Dossier 4, livre page 38. Lors du déjeuner, le père a eu l'idée de demander à ses trois fils ce qu'ils pensent devenir dans le futur. Fadi, qu'est-ce que tu penses faire après l'université? J'aime devenir un poète comme Nizar Kabbani. Je l'aime à tel point que j'ai téléchargé son recueil de poésie en entier sur mon ordinateur. Mon rêve, c'est de devenir comme lui, un poète engagé pour soutenir les causes morales, culturelles et sociales de notre société actuelle. Et toi, Jamil, quelles sont tes ambitions? Je rêve de devenir un peintre célèbre comme Nazem al-Jaafari, qui a peint minutieusement la vieille ville de Damas avec ses rues et qui a fait des portraits des personnages célèbres dans cette merveilleuse ville. En ce qui me concerne, j'adore peindre mon village avec ses ruelles. Je sais très bien que ce type de travail exige beaucoup d'efforts. Et toi, Mounir, quels sont tes projets d'avenir? Moi, je suis passionné par le métier d'ingénieur. J'ai l'esprit d'équipe et j'aime coopérer avec les autres afin de résoudre toutes sortes de difficultés. Bravo, mes enfants! Je suis vraiment fier de vous. Je vous conseille de faire beaucoup d'efforts afin de réaliser vos ambitions et vos rêves, et n'oubliez jamais que quand on veut, on peut.